souviens avoir eu peur bientôt pour tout entendre. Que tôt ou tard faudrait partir plus loin pour mieux s'étendre. Qu'on a besoin de sentir un air plus gros pour mieux se comprendre. Qu'ici le sang et les peines ne font que croître à force de s'entendre. Je me souviens avoir eu peur trop tôt de devoir se quitter. Savoir qu'un jour ou l'autre on sera à dos sans pouvoir céder. Que ce chemin qu'on prend finit par nous tenir séparés. Que nos deux vies ont deux destins cyniques au sens éloigné. Les larmes qui coulent me rendent chaque jour plus triste. Mon âme traduit ses crises, elle me pousse, me change et court ma vie. Mais doucement ma foi se puise. Le temps qui court apporte ce vide qui cherche à croître et nous divise. Me pousse rempli en nous un mal que l'on épouse et l'on s'inflige. Les larmes qui coulent me rendent chaque jour plus triste. Mon âme traduit ses crises, elle me pousse, me change et court ma vie. Mais doucement ma foi se puise. Le temps qui court apporte ce vide qui cherche à croître et nous divise. Me pousse rempli en nous un mal que l'on épouse et l'on s'inflige. Je me souviens de tant de larmes bientôt qu'on coulait ensemble. Que nos devoirs cessaient de vivre en vain sans jamais se fendre. Que rien toucher ses mains poussait une plaie à pouvoir s'étendre. Que le destin naissait d'une loi que j'aimerais dire et comprendre. Je me souviens de tant de larmes et mots qu'on s'est échangés. Qui ont ni fait ni chance de voir nos jours qui se lèvent exister. Savoir que nous sommes liés aux traces d'amour qu'on laisse chasser. Que nos deux rêves de vie présente sont faits trahis et brisés. Et brisé, et larmes coulent, me rendent chaque jour plus triste. Mon âme traduit ses crises, elle me pousse, me change et court ma vie. Mais doucement ma foi se puise. Le temps qui court apporte ce vide qui cherche à croître et nous divise. Me pousse rempli en nous un mal que l'on épouse et l'on s'inflige. Les larmes qui coulent me rendent chaque jour plus triste. Mon âme traduit ses crises, elle me pousse, me change et court ma vie. Doucement ma foi se puise. Le temps qui court apporte ce vide qui cherche à croître et nous divise. Me pousse rempli en nous un mal que l'on épouse et l'on s'inflige. L'âme qui coule me rend chaque jour plus triste. Mon âme traduit ses crises. Me pousse, me change et court ma vie. Mais doucement ma foi se puise. Le temps qui court apporte ce vide qui cherche à croître et nous divise. Me pousse rempli en nous un mal que l'on épouse et l'on s'inflige.